pas. Les chiens, les chats, tu peux les faire entrer, tu peux les caresser, eux ils aiment ça. Les lions, les panthères sont malheureux, loin de leur terre. Tu devrais les plaindre, c'est la misère. Passe-moi le pain, évite qu'il s'assoie.